Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Lucienne Amon lit « Histoire comme ça » de Rudyard Kipling. Oui, c'est vrai, j'ai aimé moi toutes les histoires comme ça de Kipling. Et tellement d'ailleurs que quand j'ai eu un enfant, c'est la première chose que j'ai eu envie de lui raconter. Mais l'histoire que je préfère et que j'ai choisi de vous lire, c'est le chat, parce que j'ai une passion pour les chats et que je pense qu'elle... Elle m'a toujours suivie, parce que je pense que depuis toujours, je me souviens de cette image-là. L'image de cette grande route déserte entourée d'arbres dénudés dans l'hiver. Et du chat noir qui lève la queue et qui s'en va tout seul. D'ailleurs, c'est très joli ce que dit Kipling, c'est un dessin de Kipling. Et il dit ça, toujours ça commence par ça. C'est le portrait du chat qui s'en va par les chemins mouillés du bois sauvage, remuant la queue et tout seul. Il n'y a pas autre chose dans l'image, excepté des champignons. Il ne pouvait pas faire autrement que pousser là, à cause que les bois étaient si mouillés. La chose, comme une motte sur la branche du bas, n'est pas un oiseau, c'est de la mousse qui poussait là, parce que les bois sauvages étaient si mouillés. Je crois d'abord que cette espèce de rapport avec la petite fille me bouleversait, puis... Enfin, l'image, cette image-là, ce dessin-là qui me manque dans une autre édition que j'ai depuis... Je sais qu'il y a des endroits du Jardin des Plantes. Il y a une allée très précise du Jardin des Plantes, pas loin du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est plantée comme ça, et quand j'y passe l'hiver, ça m'émeut. Je ne me souvenais pas, mais je pense que c'est à cause de cette image. Moi, j'ai adoré ces histoires, et je les aime encore, et peut-être que cette espèce de mythe du chat qui s'en va tout seul, c'est ce que j'aurais bien aimé être, et tous les lieux se valent pour lui, et c'est pas vrai, c'est jamais vrai. Mais pour les chats, c'est vrai. Le chat qui s'en va tout seul. Hâtez-vous d'ouïr et d'entendre. Car ceci fut, arriva, devint et survint, ô mieux aimé, au temps où les bêtes apprivoisées étaient encore sauvages. Le chien était sauvage, et le cheval était sauvage, et la vache était sauvage, et le cochon était sauvage, et ils se promenaient par les chemins mouillés du bois sauvage, tous sauvages, et solitairement. Mais le plus sauvage de tous était le chat. Il se promenait seul et tout lieu se valait pour lui. Naturellement, l'homme était sauvage aussi. Il était sauvage que c'en était affreux. Il ne commença à s'apprivoiser que du jour où il rencontra la femme. Et elle lui dit qu'elle n'aimait pas la sauvagerie de ses manières. Elle s'arrangea pour y coucher, une jolie caverne sèche, au lieu d'un tas de feuilles humides. Elle poudra le sol de sable clair et elle fit un bon feu de bois au fond de la caverne. Puis elle pendit une peau de cheval, la queue en bas, devant l'entrée de la caverne et dit « Essuie tes pieds, mon ami, quand tu rentres, nous allons nous mettre en ménage. » Ce soir, mieux aimé, ils mangèrent du mouton sauvage, cuit sur les pierres chaudes et relevé d'ail sauvage et de poivre sauvage. Puis l'homme, très content, s'endormit devant le feu. Mais la femme resta éveillée à peigner ses cheveux. Elle prit l'épaule du mouton, la grande éclanche plate, et elle en observa les marques merveilleuses. Puis elle jeta plus de bois sur le feu et fit un sortilège. Ce fut le premier sort qu'on eût fait sur la terre. Là-bas, dans les bois mouillés, tous les animaux sauvages s'assemblèrent, où ils pouvaient voir de loin la lumière du feu, et ils se demandèrent ce que cela pouvait signifier. Chien sauvage leva le museau et renifla l'odeur du mouton cuit et dit « J'irai voir. Je crois que c'est bon. » Chat, viens avec moi. « Nenni, dit le chat. Je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se valent pour moi. Je n'irai pas. » Donc, c'est fini, nous deux, dit chien sauvage. Et il s'en fut au petit trot. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin que le chat se dit. Tout lieu se valent pour moi. Pourquoi n'irai-je pas voir aussi? Voir, regarder, puis partir à mon gré. C'est pourquoi, tout doux, à pied de velours, il suivit chien sauvage et se cacha pour mieux entendre. Quand chien sauvage atteignit l'entrée de la caverne, il souleva du museau la peau du cheval sauvage et renifla la bonne odeur du mouton cuit, et la femme, l'œil sur les clenches, l'entendit, et rit, et dit « Voici le premier. Sauvage enfant des bois sauvages, que veux-tu donc ?» Chien sauvage dit « Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi, qu'est-ce qui sent si bon par les bois sauvages ?» Alors la femme prit un os du mouton et le jeta à chien sauvage et dit « Sauvage enfant du bois sauvage, goûte et connais. » Chien sauvage rongea l'os et c'était plus délicieux que tout ce qu'il avait goûté jusqu'alors et dit « Oh mon ennemi, femme de mon ennemi, donne-moi un autre. » La femme dit « Sauvage enfant du bois sauvage, aide mon homme à chasser le jour et garde ce logis la nuit et je te donnerai tous les os qu'il te faudra. » « Ah !» dit le chat aux écoutes. « Voici une femme très maligne, mais elle n'est pas si maligne que moi. » Chien sauvage entra, rampant dans la caverne, et mit sa tête sur les genoux de la femme, disant « Oh, mon ami, femme de mon ami, j'aiderai ton homme à chasser le jour, et la nuit je garderai la caverne. »« Tiens !» dit le chat aux écoutes. « Voilà un bien sot chien !» Et il repartit par les chemins mouillés du bois sauvage, en remuant la queue et tout seul. Mais il ne dit rien à personne. Quand l'homme se réveilla, il dit « Que fait chien sauvage ici ?» Et la femme dit « Son nom n'est plus chien sauvage, mais premier ami !» car il sera maintenant notre ami à jamais et toujours. Prends-le quand tu vas à la chasse. » Quand votre mère vous racontait les histoires comme ça, elle mettait des voix particulières pour les animaux ? Je ne sais pas ce qu'elle faisait pour les autres, mais pour le petit enfant d'éléphant, elle disait « Faites excuse !» dit le petit enfant d'éléphant. Et ma mère n'était pas comédienne, mais je ne sais pas. Il y avait sûrement quelque chose qui se passait avec le petit enfant d'éléphant. Peut-être que, autant moi je suis sensible au chat, autant maman était sensible à la curiosité infatigable de ce petit enfant d'éléphant, et qu'on tape, qu'on tape, qu'on tape, et il continue tout le temps. Mais si vous avez choisi le chat, c'est à cause de votre amour des chats. Oui, je me rends compte qu'il y a dans le chat qui s'en va tout seul, et tout lieu se valent pour lui, il y a quelque chose comme, je sais pas, un souhait, un désir, une image idéale, une espèce de liberté. Bon, c'est la liberté. La liberté, l'indépendance. Et pourtant, il arrive à rentrer en contact. D'ailleurs, enfin, quand on vit avec des chats, on a tout à fait ce sentiment. Même ces chats que nous rendons très dépendants, qui vivent dans des appartements. Mon chat Pink, qui est l'aîné de mes chats et mon bien-aimé, quand il me regarde, il entre en contact avec moi. Mais si tout d'un coup, j'ai un caprice, que je veux qu'il vienne, à un certain moment, il ne vient pas forcément. Quand vous avez commencé à savoir lire, vous étiez une lectrice acharnée ou... Oui, j'ai mis très longtemps à lire, parce que j'ai appris à lire, enfin on a essayé de m'apprendre à lire, j'étais dans une école de la méthode nouvelle, et j'ai appris à lire par la méthode globale, ce qui était absolument, d'autant que je pense que j'étais un peu dyslexique, et donc ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai fini l'année où j'aurais dû savoir lire sans savoir lire, et qu'il a fallu m'apprendre d'une façon beaucoup plus classique pendant les vacances. Mais après, j'ai adoré lire. D'ailleurs, c'est resté une espèce de drogue. C'est-à-dire que quand la vie est trop prenante pour moi, parce que je travaille, ou enfin, quand je t'ai prise, si je suis prise par des besognes matérielles et tout, je suis absolument malade si j'ai pas lu une page de quelque chose dans la journée. Enfin, c'est une espèce de manière de me retrouver moi-même. Et j'ai lu passionnément dans mon enfance. D'abord parce que mon enfance est une enfance avant la télévision. Pas tellement de cinéma. Enfin, on m'emmenait au cinéma de temps en temps, mais j'y allais pas tellement. Mais je lisais beaucoup et surtout, j'ai eu, je sais pas, je devais avoir 8 ans, j'ai vu la fête de sortie des grandes au Collège Sévigné, dans lequel j'étais dans les petites classes. Et elle jouait quelques actes, pas tout, de Cyrano de Bergerac. Et ça a été une espèce d'arrachement, de dérassement. J'ai été bouleversée. Et à partir de là, alors j'ai lu bien entendu Cyrano de Bergerac l'été qui a suivi, et vraiment je devais avoir 8 ans. Et j'ai lu comme une folle, je le savais presque par cœur. Alors ensuite on m'a donné L'Aiglon, que j'ai moins aimé d'ailleurs. Et puis on a commencé à me donner Molière. Et j'étais, je crois vraiment jusqu'à 9 ans, 10 ans, je lisais Molière comme une folle. J'étais pas très contente de Georges Dandin, parce que je trouvais que c'était méchant avec les femmes. Et donc je devais déjà être féministe. Et j'ai écrit un Georges Dandin inversé, c'est-à-dire Monsieur de la Dandinière, et enfin c'était complètement... j'ai retrouvé d'ailleurs une page de ça. Alors j'ai lu beaucoup, beaucoup de théâtre. Enfin, c'était d'ailleurs une manière de ne pas être là où j'étais. C'était vraiment ma manière de me couper de tout ce qui m'agressait, m'angoissait, dans un monde qui n'était pas tellement gai, il faut bien le dire, puisque c'était tout de même la guerre. Le jour après... La tête haute pour que ses cornes ne se prennent pas aux branches des arbres sauvages, Vache sauvage vint à la caverne, et le chat suivit, se cachant comme avant. Et tout arriva tout à fait comme avant, et le chat dit les mêmes choses qu'avant, et quand Vache sauvage eut promis son lait à la femme tous les jours en échange de l'herbe merveilleuse, le chat s'en retourna par les chemins mouillés du bois sauvage, en remuant la queue et tout seul, juste comme avant. Mais il ne dit rien à personne. Et quand l'homme et le chien revinrent de la chasse et demandèrent les mêmes questions qu'avant, la femme dit « Son nom n'est plus Vache sauvage, mais nourricière du logis. Elle nous donnera le bon lait tiède et blanc désormais et toujours, et je prendrai soin d'elle pendant que toi et premier ami, vous serez à la chasse. » Le jour après, le chat attendit voir si quelque autre chose sauvage s'en irait à la caverne. Mais rien ne bougea dans les chemins mouillés du bois sauvage. Alors le chat s'en fut tout seul. Et il vit la femme qui trayait la vache, et il vit la clarté du feu dans la caverne, et il sentit l'odeur du lait tiède et blanc. Chat dit « Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi, où Vache sauvage est-elle allée ?» La femme rit et dit « Sauvage enfant du bois sauvage, retourne au bois d'où tu viens, car j'ai rattaché mes cheveux, j'ai serré les clenches magiques, et nous n'avons plus besoin dans notre caverne d'amis ni de serviteurs. » Chat dit « Je ne suis pas un ami, et je ne suis pas un serviteur. Je suis le chat qui s'en va tout seul, et je désire entrer dans votre grotte. » Alors la femme rit et dit « Tu es le chat qui s'en va tout seul, et tout lieu se valent pour toi. Tu n'es ami ni serviteur, tu l'as dit toi-même. Va-t'en donc, puisque tout lieu se valent, te promener à ton gré. » Alors, chat fit semblant de regretter, et dit « N'entrerai-je donc jamais dans la grotte? Ne m'assoirai-je jamais près du feu qui tient chaud? Ne boirai-je jamais le lait tiède et blanc? Vous êtes très sage et très belle. Vous ne devriez pas faire de mal, même à un chat. » La femme répondit « Je savais que j'étais sage, mais belle, je ne savais pas. Soit, nous ferons un marché. Si jamais je prononce un seul mot à ta louange, tu pourras entrer dans la grotte. Et si tu en prononces deux, dit le chat. Cela n'arrivera jamais, dit la femme. Mais si je prononce deux mots à ta louange, tu pourras t'asseoir près du feu dans la grotte. Et si tu dis trois mots, dit le chat. Jamais cela n'arrivera, dit la femme. Mais si je dis trois mots à ta louange, tu pourras laper le lait tiède et blanc trois fois le jour, à jamais. Alors le chat fit le gros dos et dit « Que le rideau qui ferme la grotte, le feu qui brûle au fond et les pots à lait rangés près du feu soient témoins de ce qu'a juré mon ennemi, femme de mon ennemi. » Et il s'en alla par les chemins mouillés des bois sauvages, remuant la queue et tout seul. Cette nuit-là, quand l'homme et le chien revinrent de la chasse, la femme ne leur parla pas du marché qu'elle avait fait avec le chat parce qu'elle avait peur qu'il ne leur plût point. Chat s'en alla très loin et se cacha parmi les mousses mouillées des bois sauvages, tout seul, à son gré, pendant très longtemps, si long que la femme n'y pensa plus. Seule, la chauve-souris, la petite souris chauve qui pendait tête en bas à l'intérieur de la grotte, sut où il se cachait, et tous les soirs s'en allait voletant lui porter des nouvelles. Un soir, chauve-souris dit « Il y a un bébé dans la grotte. Il est tout neuf, rose, gras et petit, et la femme en fait grand cas. »« Ah !» dit le chat aux écoutes. « Et le bébé, de quoi fait-il cas ?»« Il aime les choses moelleuses, douces et qui chatouillent. Il aime des choses tièdes à tenir dans les bras en s'endormant. Il aime qu'on joue avec. Il aime tout cela. Ah ! Dit le chat aux écoutes. Alors, mon temps est venu. Est-ce que vous vous souvenez d'un lieu privilégié pour lire ? Mon lit. Mon lit, en plus j'ai eu, pendant une période justement, celle où la lecture a été très très abondante, j'ai eu la chance d'être souvent malade. C'est-à-dire, c'est la période des oreillons, des rougeoles, des rubéoles, de tout ça qui se défilait. Et alors, en plus, j'avais un frère de 5 ans, mon cadet. Et on attrapait à tour de rôle. Enfin, donc, on était beaucoup, beaucoup à Toulouse et à Montauban. On était beaucoup au lit. Et ce lit était une espèce d'endroit fermé où je lisais beaucoup. Oui. Et puis, j'ai presque toujours eu ma chambre. Et moi, j'ai toujours besoin de lire le soir, mais même si je suis morte une demi-page, je m'endors dessus. Et j'ai un autre rite qui est de lire, surtout quand il y a un livre un peu difficile que je suis ou que je n'ai pas le temps de lire d'une traite parce que je fais d'autres choses. Je lis le matin, je me réveille pas très tôt, mais assez tôt pour quelqu'un qui se couche très tard. Et je fais du café, je nourris mes chats et je retourne au lit boire mon café en lisant. Et dès qu'ils ont fini de se nourrir, les chats viennent. Et ça, c'est un moment absolument exquis, important. La nuit après, chat s'en vint par les chemins mouillés du bois sauvage et se cacha tout contre la grotte jusqu'au matin. La femme faisait la cuisine ce matin-là et le bébé pleurait et l'empêchait de travailler. C'est pourquoi elle le porta hors de la grotte et lui donna une poignée de cailloux pour jouer. Mais le bébé continua de pleurer. Alors, le chat avança sa patte pelote et toucha la joue du bébé qui fit risette. Et le chat se frotta contre les petits genoux dodus et le chatouilla du bout de la queue sous le petit menton gras. Et le bébé riait. Et la femme, l'entendant, sourit. Alors, la chauve-souris, la petite souris chauve qui pendait tête en bas, dit « Oh, mon hôtesse, femme de mon hôte et mère du fils de mon hôte, un sauvage enfant des bois sauvages est là, qui joue très bellement avec votre bébé. » « Béni soit-il quelque nom qu'on lui donne, » dit la femme en se redressant. « J'avais fort à faire ce matin et il m'a rendu service. » À cette même minute et seconde mieux aimée, la peau de cheval séché qui pendait la queue en bas devant la porte de la caverne tomba. À cause qu'elle se rappela, le marché conclut avec le chat. Et quand la femme alla pour la raccrocher, vrai comme je le dis, voilà qu'elle vit le chat installé bien aise dans la grotte. Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi et mère de mon ennemi, dit le chat, c'est moi. Car tu as prononcé un mot à ma louange, et maintenant je puis rester dans la grotte désormais et toujours. Pas moins, je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se valent pour moi. La femme fut très en colère, et serra les lèvres, et prit son rouet, et se mit à filer. Mais le bébé pleurait que le chat fût parti, et la femme n'arrivait plus à le faire taire, car il gigotait, et se débattait, et devenait violet. Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi et mère de mon ennemi, dit le chat, prends un bout du fil que tu files, attache-le à ton fuseau et laisse-le traîner par terre, et je te montrerai une magie qui fera rire ton bébé aussi fort qu'il pleure à présent. Je vais le faire, dit la femme, parce que je suis à bout, mais je ne te dirai pas merci. Elle attacha le fil au petit fuseau d'argile et le fit traîner par terre. Alors, le chat courut après et lui donna des coups de patte et fit des culbutes et l'envoya par-dessus son épaule et le poursuivit entre ses pattes de derrière et fit semblant de le perdre et fonça dessus de nouveau jusqu'à ce que le bébé rit aussi fort qu'il avait pleuré et joua d'un bout de la grotte à l'autre tant qu'il fut là et s'installa pour dormir avec le chat dans ses bras. Maintenant, dit chat, je chanterai au bébé une chanson qui l'empêchera de s'éveiller d'une heure. Et il se mit à ronronner tout bas, tout doux, tout bas, jusqu'à ce que le bébé s'endormit. La femme sourit et les regarda tous deux et dit « Voilà qui fut très bien fait. Nul doute que tu sois très habile, ô chat. » À la minute, à la seconde mieux aimée. La fumée du feu au fond de la grotte descendit tout à coup de la voûte. Pouf ! Parce qu'elle se rappelait le marché fait avec le chat. Et quand elle se dissipa, vrai comme je le dis, voici le chat installé bien aise auprès du feu. Ô mon ennemi, femme de mon ennemi et mère de mon ennemi, c'est moi. Car pour la seconde fois, tu as parlé à ma louange. Et maintenant, j'ai droit de me mettre auprès du feu qui tient chaud, désormais et toujours. Pas moi, je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se valent pour moi. Alors, la femme fut très en colère et défit ses cheveux et remit du bois sur le feu et sortit le grand os des clenches et se mit à faire un sortilège qui l'empêcha de dire un troisième mot à la louange du chat. Ce n'était pas une magie à musique, mieux aimé, c'était une magie muette. Et bientôt, il fit si tranquille dans la grotte qu'un petit, tout petit bout de souris sortit d'un coin noir et traversa en courant. Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi et mère de mon ennemi, dit le chat. Cette petite souris fait-elle partie de ton sortilège ? Ouh ! Oh là là ! Au secours ! Non, certes, dit la femme, en laissant tomber les clenches et en sautant sur l'escabeau devant le feu et en rattachant ses cheveux dardards de peur que la souris n'y grimpât. Dit le chat ouvrant l'œil. Alors, la souris ne me fera pas de mal si je la mange. Non, dit la femme, en rattachant ses cheveux. Mange-la vite et je t'en serai reconnaissante à jamais. Chat ne fit qu'un bond et goba la petite souris. Alors la femme dit « Merci mille fois. Le premier ami lui-même n'attrape pas les petites souris aussi vivement. Tu dois être très habile. » À la minute, à la seconde mieux aimée, le pot à lait qui chauffait devant le feu se fendit en deux. Parce qu'il se rappela le marché conclu avec le chat. Et quand la femme sauta à bas de l'escabeau, vrai comme je le dis, Voilà le chat qui l'appelle lait tiède et blanc, resté au creux d'un des morceaux. « Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi et mère de mon ennemi, dit le chat, c'est moi. Car tu as dit trois mots à ma louange. Et maintenant, je pourrai boire le lait tiède et blanc trois fois le jour à tout jamais. Mais pas moi. Je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se vale pour moi. » Alors la femme rit et mit devant le chat un bol de lait tiède et blanc. Ce soir-là, quand l'homme et le chien rentrèrent dans la grotte, la femme leur dit l'histoire du marché. Tandis que le chat, assis au coin du feu, souriait en écoutant. Alors l'homme dit « Oui, mais il n'a pas fait de marché avec moi, ni avec tous les hommes qui me ressemblent. » Alors il retira ses deux bottes de cuir, il prit sa hachette de pierre, ce qui fait trois, et les rangea devant lui et dit « Maintenant, nous ferons marché à notre tour. » Si tu n'attrapes pas les souris tant que tu seras dans la grotte à jamais et toujours, je te jetterai ces trois choses partout où je te verrai, et de même feront après moi tous les hommes qui me ressemblent. « Ah !» dit la femme aux écoutes. « Tu es un très habile chat, mais pas autant que mon homme. » Le chat compta les trois choses. Elles avaient l'air très dures et bosselées. Et il dit « J'attraperai des souris tant que je serai dans la grotte à jamais et toujours. Mais pas moins. Je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se vale pour moi. »« Pas tant que je serai là, dit l'homme. Si tu n'avais pas dit ces derniers mots, j'aurais serré ces choses pour jamais et toujours. Mais à présent, je te jetterai mes deux bottes et ma hachette de pierre, ce qui fait trois, toutes les fois que je te rencontrerai, et ainsi feront après moi tous les hommes qui me ressemblent. » Alors le chien dit « Attends une minute, il n'a pas fait marché avec moi, ni avec tous les chiens qui me ressemblent. » Et il montra les dents et dit « Si tu n'es pas gentil pour le bébé pendant que je suis dans la grotte, je te courrai après jusqu'à ce que je t'attrape, et quand je t'attraperai, je te mordrai, et ainsi feront après moi tous les chiens qui me ressemblent. » « Ah !» dit la femme aux écoutes, « c'est là un très habile chat, mais pas autant que le chien. » Chat compta les crocs du chien, ils avaient l'air très pointus, et il dit « Je serai gentil pour le bébé tant que je serai dans la grotte et pourvu qu'il ne me tire pas la queue trop fort, à jamais et toujours. Mais pas moins, je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se vale pour moi. » Pas tant que je suis là, dit le chien. Si tu n'avais pas dit ces derniers mots, j'aurais refermé ma gueule pour toujours et à jamais. Mais à présent, je te ferai grimper aux arbres en quelque endroit que je te trouve et ainsi feront après moi tous les chiens qui me ressemblent. Et de ce jour à celui-ci, mieux aimé, trois hommes sur cinq ne manqueront jamais de jeter des choses à un chat quand ils le rencontrent, et tous les chiens courront après et le feront grimper aux arbres. Mais le chat s'en tient au marché de son côté pareillement. Il tuera les souris. Il sera gentil pour les bébés tant qu'il est dans la maison et qu'il ne lui tire pas la queue trop fort. Mais quand il a fait cela, entre-temps, et quand la lune se lève et que la nuit vient, il est le chat qui s'en va tout seul, et tout lieu se vale pour lui. Alors il s'en va, par les chemins mouillés du bois sauvage, sous les arbres ou sur les toits, remuant la queue, et tout seul. Première lecture, lecture d'enfance. Le chat qui s'en va tout seul. Une histoire comme ça, de Rudyard Kipling, par Lucien Amon. Guy Senot, Bernard Laniel, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Thank you.